Donc moi je voudrais faire un point sur l'état de la mobilisation dans l'enseignement supérieur et la recherche, parce que vendredi donc il y a eu une très très belle manifestation ici au Havre et à Paris, elle était festive, nombreuse, impressionnante. Si on continue sur les chiffres là, certains ont été cités, mais si on veut être complet, il y a quand même 43 universités, enfin fac en lutte, 93 laboratoires, 6 SP, 6 collectifs de précaires, 74 revues, 13 sociétés savantes, 41 séminaires annulés, tous mobilisés pour, contre 3 réformes empilées qui nous arrivent dessus. Celle, bien sûr, de la casse des retraites, on n'y revient pas, je crois que tout le monde est au même niveau d'information. Celle contre la précarité, et qui, une mobilisation contre la précarité qui est aussi contre la réforme de l'assurance chômage, qui est aussi contre la LPPR, et une réforme spécifique à l'enseignement supérieur et la recherche qui, je l'ai déjà présenté à plusieurs reprises, mais je voudrais le rappeler ici pour toutes et toutes, va venir casser le statut des titulaires qui devront désormais assumer bien plus d'heures d'enseignement, qui n'auront plus cette garantie du service de 192 heures, désolé d'être un peu technique, qui institutionnalise de manière presque définitive l'idée que les nouveaux entrants le seront sur des contrats précaires, et donc ça signifie que si vous voulez rentrer dans des carrières d'universitaires, de chercheurs, vous les jeunes, le serez sur des contrats précaires. C'est aussi de manière plus pernicieuse encore peut-être, ou moins immédiatement visible, l'idée d'une reprise en main très autoritaire, d'un pilotage de la recherche qui va se faire sur les financements alloués. Avec la LPPR, c'est bien la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, avec l'idée que désormais l'État, en partenariat avec les entreprises privées, va piloter la recherche. Et c'est aussi la raison pour laquelle il faut casser notre statut qui nous garantit de manière constitutionnelle l'indépendance intellectuelle. Et la façon dont la recherche sera désormais financée fera qu'elle sera encore davantage inféodée aux grands intérêts. Vous connaissez sans doute bien sûr les intérêts pharmaceutiques, il y a déjà eu suffisamment de scandales pour qu'on les ait identifiés. Les intérêts de... Imaginez la recherche sur l'environnement qui pourra désormais être financée par Lubrizol. Et ça paraît drôle, mais en fait, Total vient de s'installer dans les locaux de l'école polytechnique. Ça n'est pas une fiction. Et c'est la raison pour laquelle la mobilisation spécifique à l'enseignement supérieur et la recherche prend de manière aussi large, y compris à l'Université de Strasbourg. C'est le conseil, je terminerai là-dessus, c'est le conseil d'administration réunis avec le conseil scientifique, réunis en congrès. Donc l'université de Strasbourg, qui est une énorme université en France, a pris position contre la réforme qui arrive dans l'enseignement supérieur et la recherche. Donc il ne s'agit pas seulement de motion syndicale, il s'agit d'un véritable Big Bang contre lequel nous sommes très nombreux à être mobilisés. Alors à l'échelle de ce qui se passe ici, le département de sociologie est mobilisé, et avec d'autres départements, notamment celui d'histoire, mais d'autres collègues en sciences de l'éducation, on propose des cours alternatifs cette semaine, et on entend bien continuer semaine prochaine. Et oui, c'est très important qu'on envoie une délégation porter la voix de l'Université de Rouen à cette coordination nationale.